Commentaire du Credo par saint Thomas d'Aquin, traduit du latin au français par un moine de Fontgombault et publié aux Nouvelles Éditions Latines en 1969. Douzième partie, commentaire de l'article 11, Je crois à la résurrection de la chair. Non seulement l'Esprit Saint sanctifie les âmes de ceux qui appartiennent à l'Église, mais de plus, par sa puissance, il ressuscitera leur corps. Saint Paul écrit en effet aux Romains, Nous croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Et aux Corinthiens, il dit, La mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Nous croyons donc, d'après notre foi, à la résurrection future des morts. Au sujet de cette résurrection future de nos corps, il y a lieu de considérer quatre choses. D'abord, quels sont les avantages que nous apporte la foi en la résurrection? Ensuite, quelles sont les qualités que posséderont les corps de tous les ressuscités? Puis, quelles sont celles des bons et quelles seront celles des mauvais? Premièrement, notre foi et notre espérance en la résurrection nous apportent quatre biens. Premièrement, elles font disparaître la tristesse que nous causent les morts. Il est en effet impossible qu'un homme n'éprouve pas de la douleur à la mort d'un être cher. Mais l'espérance qu'il a de sa résurrection tempère beaucoup la douleur que lui cause sa mort. L'apôtre écrit en effet aux Thessaloniciens, Nous ne voulons pas, mes frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis, afin que vous ne vous attristiez pas, comme font les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Deuxième avantage, de notre foi et de notre espérance en la résurrection, et qu'elles font disparaître notre crainte de la mort. Si l'homme en effet n'espérait pas après sa mort posséder une vie meilleure que la vie présente, sans aucun doute il devrait craindre beaucoup la mort, et plutôt que de l'encourir, accomplir n'importe quel mal. Mais parce que nous croyons à l'existence d'une autre vie meilleure, à laquelle nous parviendrons après la mort, il est évident que nul d'entre nous ne doit redouter la mort ou accomplir quelque mauvaise action pour l'éviter. L'apôtre écrit en effet aux Hébreux, Jésus a lui aussi pris une nature toute semblable à la nôtre, afin de détruire par sa mort celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux que la crainte de la mort vouait toute leur vie à la servitude. Troisième avantage de notre foi et de notre espérance en la résurrection est qu'elle nous rende attentifs et zélés à faire le bien. Si la vie de l'homme en effet se bornait à la vie présente, les hommes n'apporteraient pas une grande application à agir, parce que tout ce qu'ils feraient serait bien peu de choses comparé à leur désir, qui lui ne se borne pas à un bien déterminé pour un temps limité, mais s'étend à l'éternité. Au contraire, nous croyons fermement que grâce à nos actions d'ici-bas, nous recevrons à la résurrection des biens éternels. Aussi sommes-nous zélés à accomplir le bien. Si nous n'avions d'espérance en Jésus-Christ que pour cette vie, disait l'apôtre, nous serions les plus misérables des hommes. Enfin, la foi et l'espérance en la résurrection nous détournent du mal. Comme en effet l'espoir de la récompense nous incite à faire le bien, pareillement la crainte de la peine que nous croyons être réservée aux méchants nous détourne du mal. Nous savons en effet que Jésus-Christ a dit aux Juifs, Ceux qui auront fait le bien sortiront des tombeaux pour une résurrection de vie, mais ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de condamnation. Voyons maintenant les quatre qualités ou manières d'être communes au corps des ressuscités, bons ou mauvais. La première est l'identité des corps qui ressusciteront. Parce que c'est ce corps qui existe maintenant, c'est lui qui ressuscitera avec sa chair et ses os. Contrairement à ce qu'affirment faussement certains qui disent ce corps qui est actuellement et se corrompt, ne ressuscitera pas. Ce qui est opposé à l'enseignement de l'apôtre. Il faut que cet être corruptible revête l'incorruptibilité. Et l'Écriture sainte affirme que par la puissance de Dieu, c'est le même corps qui reviendra à la vie. Job déclare à ses amis, Je sais qu'au dernier jour, je me relèverai de la terre, et de nouveau je serai recouvert de ma peau, et dans ma chair, je verrai mon Dieu. La seconde condition regardera la qualité. Les corps à la résurrection seront d'une autre qualité que maintenant. Tous, bienheureux et méchants, auront des corps incorruptibles, car les bons seront dans une gloire éternelle, et les méchants toujours dans les tourments. Il faut que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, et cet être mortel l'immortalité. Et parce que leurs corps seront incorruptibles et immortels, bons et méchants ne prendront plus de nourriture, et il n'y aura plus d'union entre les sexes. Jésus en effet a dit aux Sadducéens, « À la résurrection, on ne prendra ni femme ni mari, mais on sera comme les anges de Dieu dans le ciel. » Contrairement à ce que pensent les Juifs et les Sarrasins, Job disait, « Celui qui est descendu aux enfers ne reviendra plus dans sa maison. » En troisième lieu, l'état des corps ressuscités sera un état d'intégrité. Tous, bons et mauvais, ressusciteront avec toute l'intégrité qui appartient à la perfection de la nature humaine. Il n'y aura en effet parmi eux ni aveugle, ni boiteux, ni aucun infirme. C'est ce que dit l'apôtre aux Corinthiens, « Les morts ressusciteront incorruptibles », c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus subir les corruptions actuelles. En quatrième lieu, les corps de tous à leur résurrection auront l'âge de 32 ou 33 ans, qui est l'âge parfait. La raison en est que ceux qui n'y sont pas encore parvenus n'ont pas atteint l'âge parfait, et que les vieillards s'en sont déjà éloignés. C'est pourquoi, à la résurrection, aux jeunes gens et aux enfants, il sera donné ce qui leur manque pour atteindre à cette plénitude. Et aux vieillards, il sera rendu ce qu'ils ont perdu. L'apôtre écrit en effet aux Éphésiens que nous devons tous parvenir à l'état d'homme parfait, à la mesure de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Troisièmement, saint Thomas d'Aquin se penche sur les qualités des corps ressuscités des bons. Les corps ressuscités des bons posséderont une gloire spéciale. Ils posséderont en effet quatre qualités. La première est la clarté. Jésus-Christ a dit à ses disciples, « À la fin du monde, les justes resplendiront, comme le soleil dans le royaume de leur Père. » La seconde est l'impassibilité. L'apôtre écrit aux Corinthiens, « On sème le corps dans l'ignominie, il ressuscitera dans la gloire. » Et dans l'Apocalypse, nous lisons qu'il fut dit à saint Jean, « Dieu essuiera toute larme des yeux de ses élus. » Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni gémissement, ni douleur, parce que le premier état sera passé. La troisième qualité du corps des élus sera l'agilité. Il est écrit en effet au livre de la sagesse, « Les justes seront resplendissants, ils courront comme des étincelles à travers un champ de roseaux. » La quatrième est la subtilité. Saint Paul écrit en effet aux Corinthiens, On sème un corps animal, il ressuscitera un corps spirituel, non qu'il soit désormais entièrement esprit, mais parce qu'il sera totalement soumis à l'esprit. Dans le dernier point, saint Thomas d'Aquin s'attache au caractère des corps des damnés. L'état des corps des damnés sera contraire à l'état du corps des bienheureux. Ils seront en effet soumis à une peine éternelle, impliquant quatre aspects qui les feront souffrir. Leurs corps, en effet, seront noirs et leurs visages entièrement brûlés, ainsi que l'indique Isaïe. En second lieu, leurs corps seront passibles, bien qu'éternellement incorruptibles. Ils brûleront en effet toujours dans le feu, mais ne se consumeront jamais. Les vers qui les rongeront, dit Isaïe, ne mourront pas, et le feu qui les torturera ne s'éteindra pas. En troisième lieu, leurs corps seront pesants, car leurs âmes seront comme enchaînées à leur corps. En dernier lieu, leurs âmes et leurs corps seront d'une certaine manière charnels, et il est permis de leur appliquer cette parole de Job, les bêtes de somme pourriront dans leurs ordures.